Des dizaines de personnes ont manifesté contre la monarchie britannique à Londres samedi, le jour du couronnement du roi Charles III. Nous soutenons la campagne républicaine pour mettre fin à la monarchie. Nous voulons une nouvelle monarchie et une nouvelle constitution pour la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne a besoin d'une nouvelle constitution, car pour le moment, nous avons une constitution non écrite qui n'est pas du tout une constitution. Cela signifie que les politiciens peuvent faire ce qu'ils veulent et quand ils en ont envie, a déclaré un manifestant. L'idée dépassée actuelle de noblesse et d'être né meilleur que les autres, on n'y croit pas, a ajouté un autre participant du rallye. On pouvait voir des manifestants scandant, des panneaux avec pour écrit « Pas mon roi », alors qu'ils se rassemblaient sur la place Trafalgar dans la capitale britannique. La protestation a eu lieu lorsque le roi Charles III et la reine Camilla ont été couronnés à l'abbaye de Westminster lors d'une cérémonie officielle et archaïque que la Grande-Bretagne n'a pas vue depuis 1953. Le roi a été traité avec de l'huile sainte et a prêté serment avant que l'archevêque de Canterbury ne place la couronne sur sa tête de monarque. Afrique Média, le monde, c'est nous.